Bienvenue dans Holiday Mix. Accroche-toi. C'est parti. Pour une heure 100% dance floor. 100% dance floor. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Holiday Mix, une heure avec le meilleur du dance floor de cet été 2025. C'est l'Afro House qui sera à l'honneur aujourd'hui pour démarrer ce Holiday Mix. Avec dans quelques minutes le nouveau titre de Stive, Malaki et Adam Port. Ça s'appelle Positions et c'est déjà un tube depuis sa sortie. Et il y aura également le Triangle des Bermudes avec Chargé. Sans aucun doute, le tube incontestable de cet été 2025. Ce soir, nous écouterons le remix d'Afro Wave. Mais pour démarrer cette session Afro House, voici DJ Soulstar et son Ven Conmigo. Bienvenue dans les Numix. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. You can take your time if you want. Take a break, beat up. You can tell me how fast. Con Monsieur Cortés, con las mejores novedades latinas, tribales y afro house que mueven los dance floors de todo el mundo. Give it up. with Monsieur Cortez, with the greatest selection of new house releases, the best bombs to make your dance floor explode. Holiday Mix, the perfect warm-up for your evening. De l'été ou ce qu'il en reste aujourd'hui dans Holiday Mix avec ce titre signé Tom and Collins avec Kato Anaya. Ça s'appelle No Sleep. Avant cela, vous avez pu écouter Vedic et Karim Martin avec Uko Matata. Il y avait Temba et son remix du Give It Up des Good Men, sans oublier Igor Blaska avec Heat. Pour la suite de ce Holiday Mix, c'est vers la Latin House que nous allons nous orienter. Il y aura Angélique qui joue avec La Vida et son Carnaval remixé par les Mindlifters. Ainsi que Fabrice B et son FB Project avec Mouève qui cartonne depuis plusieurs semaines sur les dance floors. Mais dans l'immédiat, voici Fabi Hernandez, Mathieu Ruz et Monofonicos avec leur version de l'incontournable Aguanile. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. papa, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Latinas, tribales y afro house que mueven los dance floors de todo el mundo. quieres divertir. Il s'en bat dans l'idée mix, un sample qui a plus de 20 ans, c'était Junior Jack qui nous avait produit ça en 2003. 22 ans déjà, cette version 2025 était signée Jesus Fernandez. Auparavant, vous avez pu écouter Tomon avec son Verano in New York, ainsi que Jonas Blue et Maliv avec leur Age of Desire. La version que je vous ai jouée aujourd'hui était le remix de Jazz and Groove. Holiday Mix, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et on va se quitter avec Blondish et Kiko Franco et leur remix du Natural Blues de Moby. Bye bye à tous et à la semaine prochaine pour un prochain Holiday Mix. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Nobody know my troubles, but God.